Ringu na palcach, to chuj się nie gramy, po pójdziach do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau, qui est consacré aujourd'hui au retour de la Biélorussie. Salut Souris. Salut Milky et puis salut tout le monde. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas, enfin qu'on n'avait pas fait une petite spéciale Bélarusse, quoi. Alors, Clairement, ouais. Niveau groupe, il n'y a pas de nouveaux groupes qui sont apparus ces derniers temps et pas de nouveaux. De nouveau matériel non plus, étant donné que c'est la répression à tour de bras. Les gens sont soit partis, soit en gros ils font profil bas. Donc voilà quoi. Voilà. Ouais. C'est comme ça. Mais il Ouais, y a quand c'est, même voilà. un nouveau groupe qu'on va comment enfin un nouveau groupe, un groupe qu'on n'a jamais écouté ici, qui Ouais. s'appelle Victaroy. Voilà, donc, et le nom est aussi un hommage à Victor Tsoï du groupe russe Kino. C'est du post-punk. Et alors, la chanteuse Kita, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont au courant. Il y a eu quand même pas mal de bruit autour de son arrestation, quoi. Elle a été arrêtée et elle est maintenant en prison. Elle a été condamnée à 2 ans et demi, Ah oui. juste pour avoir, juste pour des posts sur Instagram, par exemple, des prises de position, on va dire, publiques, tu vois, contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quoi. Juste pour ça, D'accord. 2 ans et demi de tôle. Pas Sachant mal. qu'en plus, là-bas, tu n'es jamais sûr de si au bout de tes 2 ans et demi, tu vas vraiment sortir ou pas. Oui. Hein. Donc, parce que C'est bon, c'est un peu selon leur humeur, quoi. et plus si affinité. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, voilà, c'est la joie contre, comme je disais, hein, ceux qui ont dû partir, ceux qui doivent faire profil bas, se faire oublier, et ceux qui sont en prison. Ouais, forcément, là, je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de production musicale ou quoi que ce soit au Bélarus pour un bon Un moment, certain temps. malheureusement. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que les choses changent peut-être, mais bon, Oui. on y croit, ça. Pas trop. On Hein. verra. Ouais. Joker. Ouais, voilà, ouais, c'est Et c'est ça. quoi les morceaux que tu as choisis du coup? J'ai choisi Prermian et le deuxième morceau, c'est Budzie Dalej. C'était Victor Roy avec, est-ce que tu peux redire les noms? Nien et Sto Budzie Dalej. Et nous allons passer maintenant à un grand classique de la Biélorussie avec Mister X. Ouais, donc bon, pareil, hein, le groupe est un petit peu disséminé, quoi. Alors, à l'origine, ils sont de Grodno, donc au Bélarus. De ce que je sais, il y en a qui sont maintenant à Varsovie, en Pologne, mais pas tous. Donc, je ne sais pas trop. En fait, si, j'ai vu que le groupe avait prévu de faire quelques dates là prochainement, mais Ouais. du coup, ce ne sera pas avec les membres, avec tous les membres originels du groupe, quoi. D'accord. De toute évidence. Ouais. Donc, ouais, avec des remplaçants, quoi. Bon. Ouais. Voilà. Au niveau titre, j'ai choisi ACAB et OUKB. Qui est avec des gens, en fait, avec des Wolves Antifa du MRFC de Minsk. D'accord. Et est-ce qu'il y en a des nouvelles de... J'ai un trou de mémoire justement au moment de dire son prénom. Ah, le chanteur Igor, Ouais, hein, Igor, ouais. il est à Varsovie. Ah d'accord, bon, c'est déjà ça. Écoute, hein. Voilà quoi. Et, ceux qui ont réussi à partir et ceux qui n'ont pas réussi ou qui ne peuvent pas, quoi. Ouais. C'est ouais. Et c'était donc Mister X avec AKB et OUKV. C'est ça, hein? B. B, pardon. C'est un B, celui-là. Ouais, j'ai un doute. Je me suis dit. Oui, c'est le B qui ressemble à un autre B qui est un V. Hein, Ouais, c'est ça. c'est histoire de bien t'embrouiller, en fait. Je suis tombé dans le panneau. Ouais, tu t'es fait avoir. Ben, on va rester à Gronno et Varsovie avec les mess-up. Ouais, Messed Up, donc un groupe de nanas. Pareil, originaire de Grodno. À part une membre qui est encore sur le Bélarus, sinon elles sont toutes à Varsovie. Et là, elles viennent de trouver une nouvelle batteuse qui est originaire d'Ukraine, qui doit D'accord. donc certainement être réfugiée, n'est-ce pas? Décidément, tout dans la joie. Ouais, c'est. Oui, je pense que par contre, on peut s'attendre à des nouvelles productions de Messed Up, hein, je dirais, dans un avenir assez proche. Mais là, c'est des titres, pas récents, mais pas nouveaux. C'est Around Me et Leave Me Alone. Я слышать не хочу ни слова о себе, но ваши. Et voilà pour les messed up avec Around Me et Leave Me Alone. Et on va rester à Grand-No avec Cheerio State. Ouais, Cheerio State. Alors, je sais pas du tout, par contre, ce qui se passe avec les membres du groupe. J'ai pas eu spécialement de nouvelles. Donc voilà, ça reste un peu dans le flou, on va dire. J'ai choisi Bezra Botny Beck, Vec, pardon. Bah, tu vois, à mon tour de me faire avoir. ça veut dire Work Last Time, donc les temps sans travail. Et Fuck the Borders. Экономики и выжатый последний из окен. Заботы pour le son de Cherio State avec Le temps sans travail, le chômage, quoi, en somme, et Fuck the Borders. Et nous allons terminer cette émission avec un groupe qui a fait très très très longtemps qu'on ne l'a pas passé. C'est Noisy Boys, Ouais, de c'est vrai que ça fait Tchouchine. un petit bout de temps, ouais, de Tchouchine au Bélarus. Moi, j'aime bien ce groupe-là, donc écoute, en plus, ça fait, voilà, c'est très bien. Pareil, je ne sais pas du tout, j'ai pas de nouvelles non plus en ce qui concerne les membres du groupe. On espère qu'ils ne sont pas en prison, ou voilà, Oui, quoi. c'est clair. Donc, j'ai choisi Pseudo-Unite. Pseudo Unity, j'imagine, et dépression. Voilà. Ouais. Merci. Bah, de rien, de rien. Et donc, c'est sur les Noisy Boys que se termine cette émission. Avant de terminer, je pense que tu avais un petit mot à glisser. Ouais, voilà, pour ceux du coup que ça intéresse et qui veulent soutenir ou se tenir informés ou voilà de ce qui se passe au Bélarus et par exemple pour Kita quoi. Sur Instagram, vous pouvez aller sur free.kitaannalena. Et sinon sur le Bélarus ABC, hein, Bélarus Anarchist Black Cross, où vous avez bah, des informations sur toutes les personnes qui sont emprisonnées ou poursuivies au niveau politique, quoi. Ok. Eh ben merci, Souris, pour toutes ces informations et la préparation et la co-animation de cet épisode. Et bah, merci à Ah. tout le monde de nous écouter. Et puis bah, voilà, salut tout le monde, à la prochaine. Tu n'as pas vu venir, hein? On se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute car la voix de la Hoï ne s'éteint pas.